avant, il n'y avait rien au commencement, rien que le néant au commencement, dans l'asymétrie au commencement, l'étincelle qui donne la vie au commencement. Nous ne serons plus vos esclaves de votre pognon. Nous avons...